Watching a master at work. Ay, ay, ay. Sí, sí. Ay, ay, ay. Sí, sí. All set, Dr. Work. Mama, chez moi. Banlieue ça. À tous les gars qui rentrent tard le soir. Y'a pas de lumière, nous on reste en noir. Jusqu'au bout, on reste banlieue ça. On reste banlieue ça. Banlieue ça. À tous les gars qui rentrent tard le soir. Y'a pas de lumière, nous on reste dans le noir. Jusqu'au bout, on reste banlieue ça. On reste banlieue ça. Moi chez moi, c'est la banlieue. 9-4, issu d'une cité. C'est du P, on est armieux. Pour faire du baisse, on fait comme on peut. Si tu nous baisses, ma gueule, vas-y, essaye. Mais c'est quand tu veux. Dans mon clan, on est soudés. Y'a pas de bâtard dans mon crew, ni de poulet. Et au fait, tu es accompagné. Va dire à tes potes qu'ici, c'est Val de Fontenay. C'est ça que côté du pays. Nos sales gueules cry, doivent mettre le taille. Putain, je suis pas français, moi je suis un bon lézard. Comme tous mes gars traînent mes pattes dans trop de lieux sales. Comme des parias, on nous a mis à gauche. Marianne joue la resta, son string, je m'y accroche. Bienvenue sur les avenues les plus crades de France. Mon équipe trop speed, puis le stade de France. 9-4 dynamite, la scarf fait carfis. Prépare la dynamite, la zipolage, je vis la mie. Je crèche dans la banlieue, c'est l'engrenage. Mec, monnaie sale, wesh, mets ton sac, je peux au grenaille, wesh. Tu veux savoir d'où ça vient, 9-420, on est plein, on a faim. Et Marianne, on vient de péter le vagin, ouais. Pan Amsterdam, cash, tasse, banane, frère. Même faire du trafic en tout genre est devenu banal, merde. Banlieue ça, à tous les gars qui rentrent tard le soir. Y'a pas de lumière, nous on reste dans le noir. Jusqu'au bout on reste banlieue ça. On reste banlieue ça. Tout le monde banlieue ça. A tous les gars qui rentrent tard le soir. Y'a pas de lumière, nous on reste dans le noir. Si. Jusqu'au bout on reste banlieue ça. On reste banlieue ça. Ghettocrafty, ici ça sent sale fric. Les parasites, trop vite gravite et les types batteries. J'traque Eric Alvé, skill et bill. Si tu connais ma recette, witch it et witch. Ici c'est strict fils, shit is freak. Traqué par les flics et jean basket, scotché sur le parquet. Sorti de l'ombre, on vient apporter le surnom. C'est l'équipe type, l'équipe qui t'usera à la longue. Hey yo, cette corde elle commence 6-8. J'ai du 1-6-6-4 dans les tripes, ambiance 6-6-6. Depuis 9-5-9-6. C'est les billets rouges que les meufs sucent et que les refs pistent. Ici c'est 9-4, vos contacts. Tromède, garde et vides, les keufs traquent. Vos combats sur fait suite, capuche, ribot classique. Classique. La merde plein les paluches, hip-hop tragique. Le 9-4, département du banditisme. Où toutes les mailles dans les armes s'investissent. Les victimes de me parler, c'est un flic. Même si je suis assis, menotté avec ma clique. Évite les gens qui sont là par intérêt. Ça profite, mais ça n'a jamais rien payé. J'ai fait la flambe. Je laisse ça au PD, fidèle à mes principes, même si je touche v'là le billet. Banlieue ça, à tous les gars qui rentrent tard le soir. Y'a pas de lumière, nous on reste dans le noir. Jusqu'au bout on reste banlieue ça. Banlieue ça, banlieue ça. À tous les gars qui rentrent tard le soir. Y'a pas de lumière, nous on reste dans le noir. Jusqu'au bout on reste banlieue ça. Yo, monte sur les raclos qui veulent peinave mal. Sur les raclos de ma ville sont trop bas. C'est raclos. En mode crève la dalle, crève la chatte. Lève ton bras, c'est un putain de banlieue ça. C'est pour mes frelons qui guettent les guêpes. Red Sky, en mode crime en temps de crise. Trop de sky dans les artères, j'suis par terre. Moi j'veux juste crever d'une odeur de billets verts. Premier abord, à l'envers du décor, à côté de travers ou à tort. Dans le collimateur des bords. VDM City, ici c'est bazar. Rien dans les ardises comme le gamma, c'est tout par sur Falsa. Les sons qui j'traque comme la Spooba LZ, la 4ZZ, Renoir Hamza Touba, parce que vous êtes là. Sorti de la cave, mec, j'te demande pas de guénave. Mais pour ceux qui avec ou sans le bac, on rabote plein d'avouer. Quartier rouge, quartier rouge, comme dit Red Sky, faut que ton quartier bouge. Quartier rouge, sur iPhone X album, ouais on casse des bouches. Quartier rouge, comme dit Red Skunk, faut que ton quartier bouge. Quartier rouge, sur iPhone X album, ouais on casse des bouches. Banlieue ça, à tous les gars qui rentrent tard le soir. Y'a pas de lumière, nous on reste dans le noir. Jusqu'au bout on reste banlieue ça. Y'a tous les gars qui rentrent tard le soir. Y'a pas de lumière, on reste dans le noir. Jusqu'au bout on reste banlieue ça.